Vous écoutez France Culture. Lettre du Japon. Chronique d'une traversée. De Rudyard Kipling. Deuxième épisode. Avec Laurent Stocker, Christian Gonon. Réalisation Catherine Lemire. Le 15 avril 1889, Kipling, né à Bombay, citoyen anglo-indien, écrivain déjà reconnu alors qu'il n'a que 24 ans, atteint les rives du Japon. Parti de Calcutta le 9 mars précédent, il quitte définitivement les Indes après y avoir effectué 7 ans d'une carrière journalistique nourrie pour rejoindre les États-Unis. Rédacteur en chef adjoint du Pioneer, d'Allahabad, c'est pour ce journal qu'il rédige la chronique de son voyage sous forme de lettres. Il nous livre sa découverte et sa traversée du Japon. Après Nagasaki, première escale de son voyage, il se dirige vers Kobe, toujours par bateau, en traversant la mer intérieure. Il est accompagné par son ami et compagnon de voyage qu'il nomme mystérieusement le professeur, photographe, guide et ethnologue en herbe. À Kobe, tous deux décident de visiter un théâtre japonais. Au théâtre, nous allâmes par la boue et une forte pluie. À l'intérieur, il faisait presque noir, car le bleu sombre des vêtements que portaient les spectateurs absorbait la lumière avare des lampes à pétrole. Il n'y avait nulle part la place de se tenir debout, sauf près du policier japonais, lequel, pour la cause de la morale et du Lord Chambellan, avait une encoignure dans la galerie et trois chaises pour lui tout seul. Il était bien haut de 4 pieds 8 pouces, et Napoléon à Sainte-Hélène ne pouvait s'être croisé les bras de façon plus dramatique. Après avoir un peu grommelé, il consentit à nous donner une chaise, en retour de quoi il reçut un cigare de Birmanie, lequel, j'ai toutes les raisons de le croire, lui fit partir la tête. Un parterre contenant 50 rangs de 50 spectateurs et une bordure excentrique de bébés, avec une galerie qui pouvait contenir 1200 personnes, composait la salle. L'édifice était un morceau d'ébénisterie aussi délicat que n'importe laquelle des maisons. Plancher, plafond, poutres, supports, véranda et cloisons étaient de bois nu, et, dans la salle, une personne sur deux fumait une minuscule pipe dont elle secouait la cendre toutes les 2 minutes. Là-dessus, j'eus envie de fuir, la mort par autodafé ne se trouvant nulle part comprise dans le tarif du voyage, mais aucune évasion possible par l'unique petite porte où l'on vendait, entre les actes, du poisson mariné. « Oui, ce n'est pas précisément sûr, » dit le professeur, comme les allumettes clignotaient et crachotaient alentour et au-dessous. « Mais si ce rideau rouge attrape cette flamme nue sur la scène, ou si vous voyez cette galerie en bois d'allumettes se mettre à flamber, je renverse d'un coup de pied le fond du buffet et nous pouvons rentrer chez nous. » Sur ce chaleureux encouragement, le drame commença. Le rideau vert tomba et disparut. Puis, trois messieurs et une dame ouvrirent le bal par un dialogue réglé sur les notes de la gamme entre un gargouillement et un chuchotement à tue-tête. Si vous tenez à connaître leur costume, regardez le plus proche éventail japonais. Les vrais nippons, naturellement, sont comme tout le monde, hommes et femmes, mais les nippons de théâtre, en leur raide brocart, sont de point en point comme les nippons que l'on dessine. Quand les quatre personnages s'assirent, un petit garçon courut au milieu d'eux pour arranger leur draperie, ici tirant sur le nœud d'une ceinture, là étalant un pli de jupe. Les costumes étaient aussi somptueux que l'intrigue était incompréhensible. Mais nous appellerons la pièce « Le chatonnerre » ou « Harlequin sac d'os » et « L'étonnante vieille femme » ou « Le radis mammouth » ou « Le blaireau superflu » et « Les lumières vacillantes ». Un homme à deux sabres, sous le brocart noir et or, se leva et imita la démarche d'un acteur obscur appelé Henry Irving. Sur quoi, ne sachant pas qu'il était sérieux, je ricanai tout haut, si bien que le policier japonais me regarda d'un air austère. Puis l'homme à deux sabres fit la cour à la dame d'éventail japonais, tandis que les autres rôles commentaient ses actes à la manière d'un chœur grec, jusqu'au moment où quelque chose, peut-être un accent déplacé, provoqua du trouble, et où l'homme à deux sabres s'amusa à un duel burlesque avec un adversaire splendide et vermillon sur la musique de tout l'orchestre, une guitare et quelque chose qui faisait clic-clac, pas des castagnettes. Quand ces hommes eurent suffisamment combattu, le petit garçon leur enleva leurs armes et, comprenant que la pièce manquait de lumière, alla quérir un bambou de 3,50 m, à l'extrémité duquel était une chandelle nue, éteint l'ustensile à un pied environ du visage de l'homme à deux sabres, en suivant chacun de ses mouvements de l'œil d'un enfant à qui on a confié une machine à écrire. Alors, la femme d'éventail japonais céda aux sollicitations de l'homme à deux sabres et, poussant un cri d'hilarité diabolique, se changea en hideuse vieille femme. Un jeune garçon lui enleva sa perruque, mais elle fit le reste toute seule. À ce terrible moment, un chat tonnerre, lequel est un chat issu d'un nuage, accourut, tout doré, du fond des portants jusqu'au centre de la galerie, sur des fils de fer, et un jeune garçon à queue de blaireau se moqua de l'homme à deux sabres. Alors je compris que l'homme à deux sabres avait offensé un chat et un blaireau, et qu'il aurait des ennuis, attendu que ces deux animaux ainsi que le renard sont jusqu'à ce jour de noirs sorciers. Des choses effrayantes suivirent, et le décor changea toutes les 5 minutes. Le plus joli effet fut obtenu grâce à une double rangée de chandelles pendues sur des ficelles derrière une gaze verte tout au fond de la scène et balancées sur un rythme contraire. Outre la belle idée de surnaturel que cela provoqua, un des spectateurs en attrapa le mal de mer. Mais l'homme à deux sabres fut encore plus malheureux que moi. Le méchant chatonnerre jeta sur lui de tels sorts que je renonçai à découvrir ce qu'il prétendait être. Ce fut un roi des rats, de basse comédie, pourvu de grosses joues, assisté d'autres rats, et il mangea un radis magique avec une pantomime à vous faire mourir de rire, jusqu'au moment où il redevint un homme. Alors, tous ses os lui furent enlevés, encore par le chatonnerre, et il retomba en un tas horrible, qu'éclaira le petit garçon armé de la chandelle, et n'en fut jamais revenu si quelqu'un n'eût parlé à un perroquet magique, et si un énorme scélérat tout plein de poils, ainsi que plusieurs coulis, n'eussent passé par-dessus lui. Alors, ce fut une jeune fille. Mais, se cachant derrière un parasol, il reprit sa forme. Aussitôt, le rideau tomba et les spectateurs se mirent à courir sur la scène et à circuler de toutes parts. Un petit garçon se mit dans la tête qu'il pourrait faire le moulinet à partir du trou du souffleur jusqu'au fond de la scène. Fort gravement, devant la salle qui n'y prêtait aucune attention, il se mit à l'œuvre, mais tomba sur le côté dans le demi-cercle de ses jambes potelées. Personne ne s'en occupa, et les gens bien élevés de la galerie semblèrent ne pas comprendre pourquoi le professeur et moi nous tordions de rire quand l'enfant, avec un soc en guise de rapière, imita la démarche superbe de l'homme à deux sabres. Les acteurs s'habillaient en public et chacun pouvait aider au changement de décor. Pourquoi un bébé n'aurait-il pas eu le droit de s'amuser ? Un peu plus tard, nous partîmes. « Bonne école pour un jeune acteur, » dit le professeur. Il verrait la pente fatale que suivent les originalités d'un artiste laissé à lui-même. Il y a là tout l'artifice et toute la manière du théâtre anglais, grandi à la 30e dimension, mais parfaitement reconnaissable. Comment vous proposez-vous de le dépeindre ? L'opéra comique de l'avenir est encore à écrire, répondis-je avec emphase. Encore à écrire, en dépit du Mikado. Le blaireau n'a pas encore fait son apparition sur la scène anglaise, et le masque artistique, comme accessoire du drame légitime, n'a jamais été utilisé. Essayez d'imaginer le chat tonnerre comme titre d'un opéra comico-sérieux. Commencez par un chat domestique, possédant un pouvoir magique et habitant la maison d'un marchand de thé de Londres, lequel lui donne des coups de pied. Songez donc. Tout à fait contre ma volonté, car j'avais dans l'idée de troquer le Japon contre un Baedeker pendant que je jouissais de la cuisine que m'offrait l'hôtel oriental de Kobe, je fus traîné en pousse-pousse et, sous la pluie, transporté à une station de chemin de fer. Les Japonais, quoi qu'ils fassent de leur mieux, ne savent pas rendre attrayante leur station de chemin de fer. Leur système d'enregistrement des bagages est emprunté aux Américains. Leur ligne à voie étroite, leurs locomotives et leur matériel roulant sont anglais. Leur trafic de voyageurs est réglé avec la précision gauloise. Et les uniformes des agents viennent du plus proche sac à chiffon. Les voyageurs eux-mêmes sont on ne peut plus délicieux. Bon nombre d'entre eux sont des Européens modifiés et ne ressemblent à rien d'autre qu'au lapin blanc dessiné par Teniel à la première page d'Alice au Pays des Merveilles. Ils sont habillés de petits complets de cheviotes bien propres, avec par-dessus beige, et traînent des réticules de dames en cuir noir et ornés de nickel. Ils portent des cols droits en papier et en celluloïde, qui doivent bien avoir 13 pouces de tour, et leurs bottines sont du 34. Aux mains, leurs toutes petites mains, ils ont des gants de coton blanc, et ils fument des cigarettes qu'ils tirent de jolis petits étuis féeriques. C'est le jeune Japon, le Japon d'aujourd'hui. Une locomotive peinte en lapis lazuli, à laquelle un train mixte était par hasard attaché, se trouva juste alors atteindre la plateforme en flânant et nous entrâmes dans un compartiment anglais de première classe. Il n'y avait ni double toit, ni store, ni ébauche de terme antidote. Toute chose stupide. C'était une vraie voiture du London and South Western. Osaka se trouve à environ 30 km de Kobe, à l'entrée de la baie du même nom. Le train a permission d'aller à la vitesse de 24 km/h et de faire joujou aux stations tout le long de la ligne. Vous devez savoir que cette ligne court entre les collines et le rivage et que la pente d'entraînement des eaux est beaucoup plus à pic que tout ce que nous avons entre Saharumpur et Umbala. Les rivières et les torrents de montagne descendent droit des collines dans les lits qu'ils ont creusés et qu'il faut à leur tour canaliser puis aménager à l'aide de ponts faits de solives ou, si je ne me trompe, de tunnels. Les stations, couvertes de tuiles noires, ont des murs rouges, des sols en béton, et tout le matériel, depuis les leviers de signaux jusqu'aux wagons de marchandises, est anglais. La couleur officielle des ponts, d'un brun jaune, ressemble à s'y méprendre à celle d'un chrysanthème fané. L'uniforme des receveurs de billets se compose d'un bonnet de police à visière et à galons d'or, d'une redingote noire à boutons de cuivre, très longue, d'un pantalon à tresses de mohair noir et de bottines de chevreau à boutons. On ne peut se montrer impoli vis-à-vis d'un homme en semblable équipage. Mais la campagne, voilà ce qui nous fit ouvrir les yeux. Imaginez un pays de riches glèbes noires, très lourdement engraissées et travaillées presque exclusivement à la bêche et au sarcloir. Alors, si vous divisez votre champ de vision en petites pièces d'un demi-acre, vous aurez une idée de la matière brute sur laquelle le cultivateur s'escrime. Mais tout ce que je pourrais écrire ne vous en donnerait pas une de la débauche de petits soins que manifestent ces champs, du système compliqué de l'irrigation et de la précision mathématique de la plantation. Il n'y avait nul mélange de récolte, nul terrain perdu en sentier de bornage et nulle différence de valeur dans la terre. L'eau affleurait partout, à 10 pieds de la surface, comme l'attestaient les roues de puits. Sur la pente des collines basses, il n'était pas une déclivité entre les niveaux qui ne fût proprement resserrée à l'aide de pierres sans mortier, et le bord des rigoles était parmenté de la même manière. Le jeune riz était repiqué presque avec la régularité de pions rangés sur un damier. Le thé eût tout aussi bien pu être du buis de jardin taillé, et entre les lignes du sénévé, l'eau reposait dans les sillons comme dans une auge de bois, tandis que la pourpre des haricots allait rejoindre ce sénévé et s'arrêter comme coupé à la règle. Osaka est bâti dedans, dessus et parmi, 1894 canaux, rivières, digues et rigoles. À quoi rime la multitude des cheminées, je ne saurais le dire. Elles ont à voir avec le riz et le coton. Mais ce n'est pas une bonne chose que les Nippons se livrent au commerce. Et je n'appellerai pas Osaka un grand entrepôt commercial. Des gens qui vivent dans des maisons de papier ne devraient jamais vendre de marchandises, comme dit le proverbe. Il pleuvait comme au temps de la mousson et le professeur découvrit un château qu'il lui fallait nécessairement voir. Nous dévidâmes notre chemin par-dessus les 4052 canaux où les petits enfants jouaient avec l'eau vive sans que nulle maman eût la pensée de dire « Veux-tu bien finir ?» jusqu'à ce que notre pousse-pousse s'arrêta devant un fossé de château fortifié, profond de 30 pieds et parmenté de gigantesques dalles de granit. De l'autre côté du fossé se dressait un fort. Mais quel fort ! La hauteur de ces murs était bien de 50 pieds, et dans tout cela, pas une pincée de mortier. Cependant, la surface n'était nullement perpendiculaire, mais cintrée comme l'éperon d'un cuirassé. En Chine, on connaît la courbe, et des artistes français en parlent dans des livres où se trouve décrite une ville de Tartarie assiégée par le diable. Il se peut que le reste du monde la connaisse aussi, mais ce n'est pas mon affaire. La vie, comme je l'ai dit, étant tout entière neuve pour moi. La pierre était de granit, et les hommes de jadis l'avaient utilisée comme du torchis. Les blocs taillés qui formaient le profil des angles avaient au moins 20 pieds de long, 10 ou 12 de haut et autant en épaisseur. Il n'y avait pas la moindre trace de maçonnerie, mais il n'y avait pas un défaut dans les joints. « Et ce sont les petits Nippons qui ont bâti ça, » m'écriai-je, frappé de respect à la vue des carrières qui se dressaient autour de moi. « De la maçonnerie cyclopéenne, » grommela le professeur, en donnant un coup de canne à un monolithe de 25 mètres cubes. « Non seulement ils l'ont bâti, mais ils l'ont pris. Regardez, le feu !» Les pierres se trouvaient par endroits fendues et noircies, et l'on sentait que c'était l'œuvre du feu. Sale travail pour les armées qui avaient mené l'assaut sur ces murailles monstrueuses. Les châteaux de l'Inde, je les connais, et les forts des grands empereurs, je les avais vus, mais pas plus Akbar dans le nord que Sindhia dans le sud n'avait bâti à cette mode. Sans ornement, sans couleur, ne voyant que deux choses, la force brutale et l'extrême pureté de ligne. Peut-être le fort eût-il paru moins rébarbatif sous le soleil. L'atmosphère grise, chargée de pluie, à travers laquelle je le vis, convenait à son génie. La caserne de la garnison, la très délicate maison du commandant, un jardin de pêcher, ainsi que deux serres, semblaient étrangers au lieu. On eût dû le peupler de géants des montagnes au lieu de Gurkha. D'Osaka, l'Osaka coupée de canaux, boueuse et fascinante, le professeur, Mister Yamaguchi le guide, et moi, nous prîmes le train pour Kyoto, à 1 heure de là. C'était « Lettres du Japon », chronique d'une traversée, de Rudyard Kipling, traduction de Louis Fabulé et Arthur Austin Jackson, extrait choisi par Catherine Cripoulet. Deuxième épisode, avec Laurent Stocker, Christian Gonon. Prise de son, montage, mixage, Marie-Thérèse Ferrand et Manon Houssin. Assistant à la réalisation, Lélio Ploton. Réalisation, Catherine Lemire. Les lettres du Japon sont publiées aux éditions Elitis.